sang du patriote Paoli. La terre de mes ancêtres a le goût du sang, le cœur d'olive. Seule la mer l'encercle, un homme chante sa peine et deux autres suivront le pas. Un bandera d'Estamora est tendu sur le bar. Je suis né loin de la montagne de Cagna. J'ai appris à perdre sous la pluie et garder un mental de gagnant. 99, j'taille, mon père à bout démuni. Ne me laisse pas le temps de déployer mes ailes et me pousser du nid. Me voilà parti dans mes croisades, sa mère. J'suis un peu plus près des flammes que de la paroisse, amen. T'as mis en main où j't'emmène. À cette époque où dire je t'aime était dur, c'était plus facile, j't'emmerde. À côtoyer des malades, on devient schizophrène. Tu crois que t'es bien, mais t'es pas là quand t'écrases les neurophènes. J'ai vu des gens faire ce qu'ils peuvent, mais quand le vice t'attrape, je me souviens de la veuve et l'orphelin sur la même pipe à crack. Dans les bas-fonds de Lisbonne, où l'idole n'était pas figo. L'héros c'est la bonbonne, chamion car il est toxico. La foule s'entasse, un black de 10 piges mène le bise. Fait des allers-retours de l'appart à la place pour amener le bif. Puis le voyage continue, pénible, plus en plus long, presque bien nu, sans béni. J'apprends à marcher à reculons, je passe la frontière à Fréjus, béni. Par le capo et le pento, le premier mot que j'ai appris est menga bargamento. Italia, un squat en face de la gare où le péché brille. J'aurais jamais cru qu'on puisse vivre dans une déchetterie. Et la gambalea, le cerveau de mon pote est devenu malléable. Je l'ai vu parler à un bouton, j'ai trouvé ça agréable. En réalité, on part tous un jour, la seule moralité reste les larmes sur nos joues, frère. En vérité, à cette époque, mes yeux sont bien secs. T'as aucun poids sur les épaules quand t'as la mémoire d'un insecte. J'ferme les yeux, j'déroule sur les quais de Rotterdam. Sur un vélo, les pneus crevés, j'roule sur leur terre d'année. Pareil même, c'est le pays du fromage et des belles blondes. Pourquoi je fais les narines pleines? Pourquoi mes semelles plombent? J'traîne trop de coups foireux pendant des années. On est des dizaines à passer la douane chargée comme des ânes. Et elle, j'la trouve belle dans son sachet. Mais elle prépare le trou, la pelle, le doigt sur la gâchette. Elle est de tous les voyages, nous met la race, mais nous nourrit la noyade. Générale accompagnée de fou rire sur mes lèvres, j'ai le goût de la mort. Sais-tu qu'il était impossible que le soleil se lève sans l'odeur de la mort? On s'en battait de nos offres. Est-ce que tu te rends compte que c'est nos potes qui tombent à terre et c'est leur corps qui nous encombre? Chaque croisade dans son lot de bagne et de peine. Dans chaque croisade, au fond, soit tu gagnes, soit tu perds. Sans assistance, débrouillard, j'apprends à aimer le cambouis et la graisse. Ma combi et ma caisse, sous mon taudis, sans adresse. Il faut changer de la pièce, ce n'est pas un souci. La rue devient libre service, quand les lumières s'adoucissent. J'en prends note et je suis pas mauvais. Que ce soit mal, je m'en moque. Je le fais juste à l'époque pour le 3 lobé. J'entends encore la disqueuse dans un hangar grouillé sur un sol visqueux. Les carcasses entassent et les racrouillés. On est tiré à la 22 avec Jésus et son accent. De mon arroulio, les barres de rire. Non, on n'était pas absente, contrairement à la lumière. Tu la cherches si tu rêves. Peut-être le plus rude de mes hivers. Bienvenue dans l'usine du rêve. Ton meilleur ami, c'est le Gerdan. Ces vapeurs toxiques, mais la cocaïne n'est pas loin. Et nos âmes, ces vapeurs aussi. Va falloir reprendre la route du poil de la bête. Alors la carte se redéroule et le son doigt sur le bled, c'est là-bas qu'il y a de l'air, dit-il. Même 1500 bornes et une mer nous séparent de l'herbe. Alors deux plans s'y font, dix contrôles et trois jours après. Fais l'état d'un chiffon, t'es la brève. Pour rien, je le raterai. Premier passage pour l'Afrique, je suis la sage dans la file. Pourtant, pas seul, libre, mais encore entouré de sales flics. Je ferme les yeux, je les roule avec la nausée. Sur le bateau, je les roule, un truc sévèrement dosé. Je suis là pour faire une croix sur la CC en tâche. J'oublie la poudre sur le pont, j'ai le virage, ça c'est au tard. Je découvre un autre monde à des années-lumière du mien. Et quand la vie en vrai te montre la bonté des êtres humains, les murs bleutés de la Médina, l'appel à la prière, l'odeur du thé, moi, dire que je trouvais que la paix dans la bière, il est l'heure du départ. J'roule le drame, mais je chope l'occasion, engloutis 400 grammes de première avec du yop local. On sépare homme-femme à la frontière, les types hésitent à fouiller les vannes, voyant deux pides derrière la portière. J'ferme les yeux, j'les roule, on en dalle aussi. J'ai un putain de mal de bide, ma couille, attends, j'hallucine. Trajet du retour doit se faire visa. Mon corps pas d'accord, me fait déballer tout dans une station service. Tu vis ça? Diffa, Roland de fiasco. Mais content de fumer un bélo, Roland de chiasco. Moi je ris inconscient, je sais pas que c'est la dernière de mes croisades. Tu m'aurais dit ça sur l'instant, t'aurais dit vas-y crois ça. Aujourd'hui j'ai tombé les roues, la charrette, le bouton marche, arrête. J'éteins tout, ouais. C'est comme ça que ça s'arrête. Le mot d'ordre c'est pas regretter. C'est trop le truc à faire, j'en garde l'odeur de la liberté. Et le goût du calvaire, Barbarossa, c'est un pirate.